Cette émission est présentée en rediffusion. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez La dernière porte à gauche. Hey, bonjour et bienvenue à cette émission de La Dernière Porte à Gauche. Aujourd'hui, édition du 12 juin et puis c'est rare que je parle de météo quand même, là, mais tu sais, ça vaut la peine parce qu'enfin, on commence à avoir un été, commence à faire chaud. Et puis, il y a plusieurs signes qui peuvent nous révéler l'arrivée de l'été. Entre autres, le retour des mini-jupes, comme Mathieu Plante me fait signe présentement devant moi. Mais aussi, moi je trouve que le meilleur indice pour savoir que l'été est arrivé, c'est quand on voit le retour du shérif sur la rue des Forges. Là, on sait que l'été est vraiment arrivé parce qu'il est quand même assez absent pendant l'hiver. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais un très charmant personnage. J'allais pas croire que je ris de lui, je l'aime beaucoup. Le shérif de Trois-Rivières. Moi, je pense que je suis le seul, par exemple, à l'appeler shérif. Les gens l'appellent toujours le cowboy. Mais moi, personnellement, j'aime mieux l'étiquette shérif. Je trouve que c'est comme un grade un petit peu plus honorifique que simplement cowboy. Mais bon, peu importe, vous trouverez vous-même vos raisons pour aimer l'été puis pour vous rendre compte qu'il est arrivé. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, il faisait quand même assez chaud. Et bref, c'est la fin de la parenthèse météo. Aujourd'hui, à l'émission La Dernière Porte à Gauche, outre une heure de musique francophone, comme d'habitude, il va y avoir quand même un contenu palmarésien assez chargé, assez imposant dans l'émission, parce que tout simplement, c'est l'été, il fait beau, puis on se force un petit peu moins. Et puis aussi... non, c'est pas vrai. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de nouveautés francophones cette semaine à la station. On en a fait passer quelques-unes anglophones, il y en avait de très bonnes anglophones, mais côté franco, c'est un petit peu plus tranquille, donc c'est pour ça que cette semaine, à l'émission, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés. Donc, on va se contenter de passer des trucs un petit peu plus connus, quand même établis, qui ont joué déjà pas mal ici, et surtout un bon contenu du palmarès, parce que je l'aime bien ces temps-ci, ce qu'il y a du côté du palmarès francophone. Et on va commencer tout de suite avec un groupe que je connaissais pas beaucoup, mais que j'aime de plus en plus, ça s'appelle Archigéant, et la pièce En pleine face, c'est la position numéro 12 du palmarès francophone cette semaine. On l'écoute tout de suite à la dernière porte à gauche, raison de C'est fou, 89.1 FM. Je se ressemblent. Les jours survivent et se rassemblent à la queue de janvier à décembre. Jusqu'à les nouvelles suivent et se ressemblent. Les jours survivent et se rassemblent à la queue de janvier à décembre. Jusqu'en décembre. Respect. que le silence. Comme un courant d'air qui nous rassure. Tu ne prétends-tu sur nos la pièce Elle de Marie-Pierre Arthur qu'on vient juste d'entendre. Ça, c'est la version, la version album, extrait de son album éponyme. Mais vous pouvez aussi entendre, si ça vous tente, une version acoustique de cette pièce-là qui a été enregistrée ici dans les studios de C'est fou dans le cadre d'une entrevue qui était venue donner à l'émission Respecte les dauphins. C'est disponible ça dans la section balado-diffusion du www.cestfou.ca. Juste avant Marie-Pierre Arthur, on avait entendu Le Roi Poisson avec la pièce Chien galeux et le bloc avait commencé avec la pièce en pleine face du groupe Archigéant. Ces trois artistes qui se retrouvent sur le palmarès francophone cette semaine. Vous pouvez aussi consulter tous les palmarès au www.cestfou.ca. Maintenant, on va écouter une pièce de Navet Confit, la pièce Asphalte. En fait, je l'ai fait jouer il n'y a pas très longtemps, je pense, mais la version qu'on va entendre ici est différente. C'est la version remixée par Domi Lucide. Donc, on écoute ça tout de suite à la dernière porte à gauche. jumping. And the cotton is all right. Oh, your daddy's rich. And your ma is good looking. So hush, little baby. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Michelle Richard, c'est elle qui chantait la pièce Summertime ici, mais c'était un remix de Demi Lucide, tout comme la pièce d'avant qu'on avait entendue de Navet Confit, qui était remixée par Demi Lucide. Donc j'aime vraiment le style de Demi Lucide, et puis ça m'a donné le goût d'écouter un autre remix. Il y en a plusieurs des remix que vous pouvez entendre comme ça sur son site MySpace, qui est tout simplement www.myspace.com/Demi Lucide. Juste avant Demi Lucide, avant cette pièce-là, c'est ça, donc c'était... Asphalte de Navet Confit, remixé par Demi Lucide. Maintenant, on va aller écouter une pièce de El Motor. Ça fait assez longtemps que je n'avais pas joué de El Motor ici et qu'on n'avait pas eu trop de nouvelles. La dernière fois que je vous avais parlé d'El Motor, c'est parce qu'il partait en tournée avec Louise Foresti, qui, en fait, El Motor est le house band. Sont les musiciens qui accompagnent Louise Foresti pour la tournée de son nouvel album, que vous n'avez pas entendu assez fou, ça, je peux vous le confirmer. Si vous trouvez le lien étrange, bien, c'est parce que Alexis Dufresne, membre du groupe El Motor et le fils de Louise Foresti. Donc, c'est pour ça que ils sont utilisés comme ça en guise de musicien pour cette tournée-là. Et puis là, je regardais les dates de spectacle. C'est des dates avec Louise Forestier un peu partout à travers le Québec. Il y en a une à Trois-Rivières d'ailleurs, mais bon, je pense que c'est pas nécessaire de vous le mentionner. Mais il y a une date parmi tout ça qui a attiré un peu ma curiosité. C'est le 23 juin, en fait, pour le spectacle de la Saint-Jean sur les plaines d'Abraham. Mais c'est pas mentionné avec Louise Forestier. Donc j'imagine, c'est pas très clair sur leur site, mais j'imagine que c'est un spectacle de El Motor avec leur pièce à eux. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Je pense que ça fait au-dessus d'un an qu'ils n'ont pas fait de spectacle. Et puis, c'est vraiment un très bon spectacle, celui d'El Motor. Ils sont venus ici en janvier, pas le janvier qui vient de passer, l'autre d'avant. Ils étaient venus ici à Trois-Rivières. Vraiment un très, très bon spectacle. Et puis ça, en plus, ils ont la chance de se produire sur les plaines d'Abraham devant vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ben, c'est vraiment génial pour eux. Donc, ce sera à suivre. Donc, si c'est vraiment un spectacle d'eux, d'après moi, oui, là, je ne penserais pas que ce soit un manque. C'est vraiment pas clair sur leur site. Surveillez quand même El Motor, et pour l'instant on les écoute tout de suite avec la pièce Dea del Cesso. C'était ça sur les palmarès francophones il y a plusieurs mois de ça ici à C'est Fou. Donc on l'écoute tout de suite à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. partir quand je serai sorti de ta vie pour de bon. Quand j'irai cultiver mon angoisse et mes tourments ailleurs pour éviter de mettre la pression. Est-ce que je vais t'appeler des fois? Non, je crois pas. Je vois pas à quoi ça servirait. Parce que nos voix sont des souvenirs, les souvenirs des plaies, et la douleur que ça me procure me déplaît. Mais s'il te plaît, prends-moi une dernière fois, pose ta tête sur mon épaule, repose-moi, rouler. Je le jouerai, oui, je serai qui tu voudras. Pour toi, j'oublierai qui je suis, pourvu que tu me dises oui, pourvu que tu me dises oui. Est-ce que des fois tu trouves que j'en mets trop, comme dans le métro, quand je fais semblant de sauter? Ou bien quand je bois une bouteille de rouge pour finir la soirée, est-ce que je réussis à t'énerver? Oh, mais tu sais, tout ça c'est du jeu. Moi je fais ce que je peux pour avoir ton attention. À grands coups d'accords, de mélodies, de sons, j'étale les mots pour te rappeler que je suis seul. Comment, s'il te plaît, prends-moi une dernière fois, pose ta tête sur mon épaule, repose-moi, rouler. Je le jouerai, oui, je serai qui tu voudras. Pour toi, j'oublierai qui je suis, pourvu que tu me dises oui, pourvu que tu me dises oui. Carl Ricudon avec la pièce Ta tête sur mon épaule, c'est pas extrait ça, de son nouvel album qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Contre le tien, Anana Bongolov. C'est plutôt extrait de son EP, genre de démo qui est sorti en 2004 et qui s'appelait Quatre chansons de tempête et qui s'est retrouvé aussi sur quelques compilations. C'est une pièce qui avait joué pas mal à cette époque-là, il y a 5 ans déjà. La première pièce qui avait fait connaître Carl Ricudon, ça fait déjà un bon bout de temps. Maintenant, on va aller écouter Patrick Plot, un artiste qui joue de temps en temps ici à C'est fou et puis surtout qui va être en spectacle gratuit demain après-midi avec, entre autres, Éléphantine et Polype, deux groupes qui, eux, ont joué beaucoup ici à C'est fou. Ça, c'est dans le cadre du festival Fringe Pop à Montréal. C'est au Parc des Amériques. Si vous voulez un peu plus de détails sur la programmation et sur l'endroit précisément, vous pouvez aller faire un tour sur le www.unechance.com. J'ai fait un article là-dessus la semaine dernière, je crois. Donc, vous allez dans la section articles et vous allez avoir toute la programmation et puis les indications pour vous rendre au Fringe Pop Festival à Montréal. Donc, c'est gratuit et c'est demain, le 13 juin. Patrick Plot va être là et on l'écoute tout de suite avec la pièce Antigénie à la dernière porte à gauche. génial. C'est grâce à ceux qui sont mes. We'll be right back. La pièce 99 sous, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et puis, vous avez peut-être reconnu plusieurs voix là-dedans, entre autres celle de Fred Fortin, celle de Vince Peake de Groovy Hard Work et celle de Marc Labrèche aussi, parce que c'est une pièce qui avait été faite par finalement ce qu'ils ont appelé le collectif Vauvandalou. Mais c'est vraiment la seule pièce qu'ils ont faite sous ce nom-là, en fait, parce que c'était dans le cadre de l'émission Le Freak Show, l'émission de Marc Labrèche à Radio-Canada. Donc, c'était pendant une émission, en fait, et ils avaient décidé d'essayer de faire une pièce avec seulement 99 sous. Puis finalement, ben, ça coûte rien, finalement. Quand on est des musiciens et qu'on a tout ça chez nous, ça n'a pas été très compliqué pour eux de faire cette pièce-là qui est quand même très bonne et puis qui est téléchargeable un peu partout gratuitement, là, sans aucun problème. Donc, c'était la pièce à 99 sous de Vauvandalou. Et maintenant, on va continuer un peu dans ce style-là, un peu rock garage québécois. Il va y avoir, entre autres, là-dedans, le groupe Band de Garage. Mais on va commencer avec une pièce du nouvel album du groupe Le Nombre. C'est la nouvelle entrée sur le palmarès francophone cette semaine. La pièce s'appelle « Des zombies et des fleurs ». Ça pourrait être le nom d'une émission de Radio-Canada, ça aussi, comme le Freak Show. Ça sonne bien, « Des zombies et des fleurs ». On écoute ça tout de suite à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Ce qui lui passe par les mains finit dans un trou à se décomposer. méchant. Tu vas manger un tour d'un. La chèvre du groupe Benne Garage, extrait de leur premier album Corpo, Trash, Vidange. Et avant ça, c'était Le Nombre avec la pièce Des Zombies et des Fleurs. C'était donc une nouvelle entrée sur le palmarès francophone cette semaine. Et puis, c'est qui termine l'émission pour aujourd'hui. Si vous écoutez l'émission en direct les vendredis, je vous laisse avec Les Lutins de l'Enfer. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 17h pour Les Palmarès, c'est fou. Et à 20h pour La Dernière Porte à Gauche. On va avoir le temps pour une dernière pièce. Ça va être Malajube avec la pièce Les Filles à Plumes. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.